On va parler de grosse nouvelle qui est tombée hier, c'est que Philippe Lavoie, un joueur que tout le monde connaît, qui est le joueur, qui était un des meilleurs joueurs de football collégial, s'est commis avec les Carabins de Montréal. Moi, j'avais entendu à travers les branches qu'il était très près de Carleton, mais une visite de Danny Mathewson à Saint-Jean-d'Arc aurait fait pencher la balance. On parle avec l'instructeur des Carabins de Montréal, Danny Mathewson. Bon après-midi, Danny. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Dis-moi, Saint-Jean-d'Arc, pour un gars de Montréal, est-ce que c'est loin? Pas pour quelqu'un qui s'appelle Phil Lavoie. Mais... Non, c'est pas du tout, écoute, au contraire. OK. Dis-moi, est-ce que tu as eu beaucoup de plaisir, pareil? Parce que j'imagine que Danny Mathewson, ce genre de voyage-là, est habitué de les faire, j'imagine, parce que c'est durant la saison morte, c'est ta job de faire du recrutement. Donc, des voyages comme tu as fait à Saint-Jean-d'Arc, tu en fais plusieurs, là. Mais j'en fais plusieurs, mais il faut aussi dire les vraies choses. Je pense que depuis que je suis à l'Université de Montréal, c'est un voyage que j'ai fait, je pense, à trois reprises, de venir dans ce coin-là. Puis à l'époque, au tout début, c'était de visiter les parents de David Ménard, parce qu'il faisait déjà partie des Carabins, mais je voulais rencontrer ses parents un petit peu, puis d'échanger un petit peu avec eux, puis... j'en ai fait une autre visite. Je pense que c'était une clinique que j'ai faite, une clinique de coach, de coaching que j'ai faite dans ce coin. Puis cette visite-là était très importante pour moi de le faire parce que on parle de modèle quand on fait référence à un étudiant athlète. Alors, je me suis dit, écoute, on va faire 12 heures de voiture, là, de chemin, de route, 6 heures d'aller, 6 heures de retourner, mais en espérant qu'on peut l'avoir chez nous pour les 4 ou 5 prochaines années. Il a fallu que tu sois un vendeur, un gros vendeur, pour faire pencher la balance, parce que moi, ce que j'avais entendu dire, il s'en allait pas mal à Carleton. Ben, écoute, moi, je connais pas tous les détails concernant s'il s'en allait à Carleton ou non. Nous, on a présenté qu'est-ce que nous, on pensait qui pouvait lui intéresser dans le sens que, comme étudiant, que, comme athlète, parce que je dis souvent que la décision pour un jeune qui quitte le collégial, qui s'en va à l'université, c'est pas une décision de 4-5 ans, mais c'est plutôt un choix de vie. Alors, ça va toucher les 40 ou 50 prochaines années de sa vie. Alors, on a parlé de tout ça. Puis, ça lui rejoint tout ce qu'on a discuté. Alors, c'est ça la raison que je suis convaincu que c'est un bon fit pour tout le monde. OK. Dis-moi, du côté, pourquoi à vouloir tant avoir Philippe Lavoie? Mais comme je disais, c'est un modèle pour nous comme étudiants athlètes. C'est tout un étudiant. Quand on regarde ses notes à l'école, puis écoute, c'est quelqu'un qui va nous représenter tellement bien à un moment donné quand il va graduer de l'Université de Montréal. Puis comme joueur de foot, mon opinion personnelle, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur secondaire qui sort, qui fait partie de la QV 2019. Alors, il y a eu du succès partout. C'est quelqu'un qui est bien respecté. Puis pour moi, c'était une priorité d'aller lui voir puis de lui faire comprendre qu'il y a une place chez nous. Pas seulement une place, mais je suis convaincu qu'il va avoir un mot à dire dans notre succès en 2019. OK. Dis-moi son utilisation, parce que souvent, on entend, souvent des jeunes comme Philippe, on les fait commencer sur les unités spéciales. J'imagine que c'est ça ton plan de match avec Philippe? Ben, il va jouer sur les unités spéciales parce que la plupart de nos joueurs qui s'habillent, qu'on avait 48 par match, vont jouer sur les unités spéciales, même les partants. Alors, mais nous, on voit quelqu'un qui va se pointer chez nous, il va arriver chez nous avec un bon bagage. Puis le fait qu'il s'en vient en janvier, c'est tout un avantage parce qu'il peut participer à des camps de printemps. Okay. Alors, on va lui donner beaucoup de répétitions, puis on va travailler tellement fort avec lui que moi, je m'entends des belles choses de sa part que il y a un mot à dire aussi sur le côté défensif. Okay. C'est ça que je lui ai fait comprendre. Je veux pas qu'il s'en vienne ici avec la mentalité que je vais attendre pour mon opportunité. Puis dans 2-3 ans, je vais avoir un mot à dire. On s'entend que lui, il va avoir... On veut que il s'en vienne ici avec la mentalité qu'il va avoir un mot à dire dans notre succès en 2019. Pour moi, c'est tellement important. Puis on, s'il s'en vient avec cette mentalité-là, que ce sera le cas, je suis sûr, on va trouver de la place pour lui, c'est sûr. OK. Dis-moi, c'est au niveau physique aussi, j'imagine qu'il y a quand même une adaptation au niveau physique. Le renforcer au niveau physique, c'est peut-être ça aussi? Mais c'est sûr, avec les programmes de muscu qu'on a ici puis les programmes de course qui sont vraiment spécifiques à l'individu puis la position que tu joues, le fait que tu es ici dans le mois de dans la saison d'hiver, dans le mois de janvier, ça se peut qu'après 4-5 mois, on va avoir un athlète pas tout à fait transformé, mais physiquement puis beaucoup plus près de compétitionner pour le prochain niveau. C'est ça l'avantage qu'il a avec le fait qu'il s'en vient chez nous dans le mois de janvier. Puis avec le programme de muscles qu'on a, je suis convaincu qu'il ne devrait pas avoir tant d'écart quand il y a back sur le terrain. OK. Dis-moi, tu es un ancien directeur général des Eskimos Edmonton, tu as gagné la Coupe Grey. Moi, ce que j'entends de Philippe Lavoie, c'est que direction Ligue canadienne, si lui le veut, parce que c'est un étudiant quand même modeste, un étudiant qui a des notes académiques incroyables. Philippe Lavoie, as-tu le potentiel pour jouer dans la Ligue canadienne de football? Ben, je dirais que oui. Basé sur l'information, puis basé sur qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui, okay. Qu'est-ce que je connais de lui avec tous les films que j'ai regardés, c'est quelqu'un qui peut rêver, si c'est ça son rêve, un jour de gagner sa vie avec le foot. Mais le but ultime, je pense, pour Phil, puis pour moi, en particulier, c'est qu'il gradue avec un bac et qu'il se fait repêcher. Alors, parce que je dis souvent, si c'est le cas, mais là, tu es vraiment gagnant-gagnant dans le sens que si ça te tente, puis si tu veux gagner ta vie avec, mais tu peux le faire pendant plusieurs années pendant que tu as un bac à main. Alors, c'est ça le but ultime pour tout le monde, je pense. OK. Y a-t-il d'autres joueurs? Parce que moi, j'avais entendu dire que ben, lui, je ne sais pas s'il va continuer ses études, mais Simon Gagnon, il intéressait McGill, il intéressait certaines universités. Simon Gagnon des Gaillards de Jonquière. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui intéressent Danny Mathiosa dans la région, là? Là, le nom m'échappe, mais le coéquipier de Phil qui joue, quoi, je pense... Guillaume Saint-Pierre? C'est un cas de chiffre, là. C'est un joueur de numéro 51. C'est un joueur de ligne défensive. C'est un D-tackle qui joue, mais je pense qu'il se trouve à sa première ou deuxième année, là. Je ne me rappelle même plus, là. Mais ça, c'est un joueur que nous, on aime beaucoup, là. Okay. On aime beaucoup le match... que je l'ai vu jouer, le bol d'or, il a bien performé, puis c'est quelqu'un que je suis convaincu qu'il peut jouer au prochain niveau. C'est Julien Simard, le joueur que tu cherches. Probablement, oui. Je ne l'ai pas devant moi, là. OK, c'est Julien Simard. Je communique avec François Laberge en même temps que je te parle. François Laberge, l'instructeur des Gaillards de Jonquière. Dis-moi maintenant, si on parlait, Danny, est-ce que tu es inquiet du football au Québec? Parce que là, moi, je vais te parler dans la région. Il y a les équipes de football collégial sont obligées d'aller en France parce qu'il manque de joueurs. C'est un peu partout. On dit que les inscriptions au football Québec ont diminué en raison des commotions cérébrales. Est-ce que vous devriez tout ce beau monde-là travailler pour avoir des inscriptions? Parce que là, tantôt, c'est bien beau, mais si les équipes collégiales, il y a moins d'équipes collégiales, il va y avoir moins de talent pour recruter, quoique les universités vont un peu partout, là. Mais est-ce que ça t'inquiète, toi? Mais est-ce que ça m'inquiète? Moi, la chose que je continue de dire, puis je continue de répéter, c'est que on a besoin de faire une réflexion dans où on s'en va avec ce sport-là. Je pense que c'est un beau sport. Un sport qui m'a donné beaucoup de satisfaction sur une note personnelle puis professionnelle. Je pense que la chose que j'encourage beaucoup le monde à faire, puis j'en ai parlé un petit peu en détail avec que ce soit avec la Fédé ou du monde qui sont bien placés là, qui peut se permettre d'organiser un genre de sommet où on peut s'asseoir puis on peut regarder l'avenir du football là, sur l'aspect physique, mental, tout aspect médical, quoi que ce soit, parce que je pense que on a besoin de faire une réflexion, de savoir où on s'en va avec ce beau sport-là. Et ouais. Je pense que si on peut réunir tout ce monde-là autour d'une table, et on peut échanger pendant, je sais pas nous, un week-end ou deux, je pense qu'on peut aller chercher quelques solutions, une piste de solution qui peut aider ce beau sport. Vous avez le Jean Béliveau des temps modernes de football actuellement. Je parle de Laurent Duvernay-Tardif, qui est un modèle incroyable pour la jeunesse. C'est un modèle pour les pas que les joueurs de football, mais pour tout le monde. Moi, je me pose la question, pourquoi Football Québec l'utilise pas? C'est une bonne question. Ça, c'est une question que peut-être vous devez leur poser, mais moi, je connais très bien Laurent. Même pendant que j'étais à Edmonton, puis à mon retour, il jouait à McGill, puis on a eu la chance de s'affronter une couple de fois pendant sa carrière universitaire. Puis je sais qu'après sa carrière universitaire s'est terminée, il est venu me voir à l'université, on s'est assis dans mon bureau, puis il parlait de son avenir comme médecin, comme joueur de foot. On a touché plusieurs sujets, mais justement, vous avez complètement raison. C'est un modèle idéal, puis des... Pour vendre un sport, gens, il s'exprime bien, il parle bien. C'est Jean Béliveau, il est en moderne, c'est pas compliqué. Puis, absolument. On fait pas assez, on maximise pas ce potentiel-là, puis tout ce qu'il peut amener. Effectivement. Danny, je veux te parler un petit peu du football universitaire canadien. Je suis pas trop ça parce qu'écoute, il y a tellement de football, la Ligue canadienne, la NFL, la NCAA et ainsi de suite. À un moment donné, plus les autres sports, il faut que tu choisisses tes sports aussi. Par contre, je suis au courant de bien des affaires. Il faut qu'il y ait des changements en profondeur, au moins du football universitaire. Déjà, je parle des séries éliminatoires, des matchs de 62 à 7 comme le Rouge et Or a fait. C'est pas bon là pour le... C'est pas bon pour le football universitaire. Ben, je pense pas qu'il y a des gagnants là-dedans, c'est sûr. Puis justement, pendant la Coupe Vanier, on avait des réunions à Québec. Je faisais partie d'un comité de compétition. Puis on parlait de tout ça. Je pense que, je pense pas. Je suis convaincu qu'en 2020, ça va changer un petit peu. Les six éliminatoires, qui va se qualifier, puis d'aller chercher les meilleures équipes qui vont s'affronter pour éviter justement des pointages de 50 ou 60 points d'écart dans une demi-finale. Alors, je répète, comme la question avant, on a besoin de s'asseoir, de réfléchir à l'avenir de ce sport, pas seulement au Québec, mais au Canada, puis en particulier les universités de leur donner des outils pour compétitionner, parce qu'il y en a certaines qui compétitionnent, puis il y en a certaines qui sont en train de participer. Alors, voici l'écart qui existe actuellement. OK. Dis-moi, est-ce que au niveau argent, est-ce que ce serait possible d'avoir une méga-ligue universitaire canadienne? Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable? Tout est possible, tout est faisable. La seule chose que je peux vous dire que ça se passe à un autre niveau. Ça se passe comme entraîneur, ça se passe avec le directeur de sport parce qu'on parle d'argent, ça coûte combien. Mais je pense qu'on va tout faire pour trouver un modèle qui fonctionne pour tout le monde dans la structure actuelle. Comment est-ce qu'on va faire ça? Mais ça va prendre du travail. La bonne nouvelle, c'est que il y a d'autres rencontres qui sont cédulées, qu'on va continuer d'échanger, puis il y a une volonté d'aller chercher des solutions. OK. Dis-moi en terminant, es-tu inquiet des Alouettes de Montréal? Moi, ça ressemble pas mal à ce qu'on a vécu au début des années 80, qu'il y a eu la disparition des Alouettes. Moi, je suis pas inquiet dans un sens que la mentalité du football est beaucoup plus grande aujourd'hui que dans le temps. Donc, es-tu inquiet là-dessus? Mais ça m'inquiète un petit peu. C'est sûr que moi, j'ai passé 6 ans avec les Alouettes de Montréal, puis les deux premières, c'était comme je faisais du bénévolat. Puis c'était des belles années. Ça m'a formé comme individu, puis comme coach de foot. Puis comme j'ai dit, j'ai eu la chance de vivre des expériences incroyables, que ce soit de coacher Mike Pringle, Ben Cole, Anthony Cavillo, puis mes expériences à Edmonton pendant 8 ans. C'est sûr que ça me préoccupe un petit peu, mais j'espère qu'ils vont trouver des solutions en 2019. J'espère que les solutions se trouvent à l'interne Parce que je pense pas qu'on peut se permettre de revivre qu'est-ce qu'on a vécu en 1987 quand les Alouettes sont disparus pendant 10 ans de temps. OK. Ben, Danny, merci beaucoup. Fort intéressant. T'apprendras Philippe aussi à parler aux médias, parce que c'est un gars qui parle pas aux médias, qui est gêné. Puis moi, j'ai beau lui expliquer qu'il va falloir qu'à un moment donné qu'il parle aux médias s'il veut faire une carrière dans le football professionnel. Donc, peut-être un petit cours aussi. Comment s'exprimer devant les médias, ça serait peut-être pas tard. Écoute, on va travailler tellement fort là-dessus avec le fait que la moitié de nos matchs sont à télé. Puis, ouais, il n'y a pas le choix, là.